Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Magnétisme, hypnose, ce sont les expériences surnaturelles du marquis de Puységur que Franck Ferrand nous propose de revivre pour finir la semaine sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Nous allons en effet étudier de près le cas de ce disciple du célèbre Mesmer, l'homme du magnétisme animal, pour y voir plus clair sur ces pratiques très en vogue sous le règne de Louis XVI, juste à la veille de la Révolution. J'ai convié à nous rejoindre l'historienne Viviane Perret, que connaissent bien nos auditeurs, et l'illusionniste Antoine Leduc. Après quoi, Lorena Martin nous parlera d'un concert sous hypnose. Oui, un concert sous hypnose. Étonnant. Oui. Ah oui, nous ne reculons devant rien aujourd'hui. J'espère au moins que nous n'allons pas endormir nos auditeurs, quand même, chère Carole. Si tel devait être le cas, Nicolas Caro sera de toute façon là pour les réveiller juste avant 15h avec le coup de cœur de la semaine. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. En 1784, dans ses mémoires pour servir à l'histoire et à l'établissement du magnétisme animal, Armand-Marc Jacques Chastenay de Puységur, voilà tout son nom, revient sur l'influence exercée par le docteur Franz Anton Mesmer, dont il a été le disciple. Lorsque le magnétisme animal fut apporté et annoncé en France par Mesmer, dit-il, mon premier mouvement néanmoins, quoique assurément ma raison ne pût s'en accommoder, fut d'en nier l'existence. Ma prévention était même alors si forte contre la réalité de cette découverte que malgré que je fusse devenu un sujet d'expérience très précieux pour Mesmer, par tous les soubresauts et les trépignements involontaires que me causait autour de son baquet sa seule approche, son seul regard, eut seulement la présentation à une grande distance de sa main vers moi, je m'obstinais à n'attribuer qu'à mon imagination frappée tous les effets qu'il prétendait me faire éprouver. Mesmer, voilà, nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mesmer était d'origine allemande, il s'est installé à Paris et il a suscité là la plus vive curiosité. Il prétendait guérir les maladies les plus diverses grâce à un fluide mystérieux répandu dans tout l'univers et capable de déclencher chez les patients qui se pressaient chez lui des crises convulsives, crises jugées bénéfiques. C'est tout l'intérêt de l'affaire. Vous imaginez un peu la scène, des malades faisant la chaîne autour d'un baquet rempli d'eau jusqu'à mi-hauteur, dont le fond est recouvert de bouteilles de verre, et émergent de là des baguettes de fer censées transmettre le fameux fluide. Parmi les adeptes du mesmérisme figurent toutes sortes de personnalités en vue, des banquiers, des juristes, Lafayette également, qui écrit à George Washington, le futur premier président des États-Unis d'Amérique, « Un docteur allemand nommé Mesmer, ayant fait la plus grande découverte sur le magnétisme animal, a formé des élèves, parmi lesquels votre humble serviteur est appelé l'un des plus enthousiastes. » Mais Puységur, de son côté, n'est pas seulement un adepte de Mesmer, il est bien plus que ça, il va aller plus loin dans les recherches sur ce sujet et il va développer surtout ses propres convictions. Et c'est une première différence avec Mesmer, Puységur n'est pas médecin, il ne prétend pas l'être, il est militaire, c'est même un militaire de haut grade, issu d'une très vieille famille de la noblesse française. Il a marché dans les pas de son grand-père, maréchal de France, de son père, lieutenant général. Il a été aspirant à l'école d'artillerie de la Fère, dans ce qui deviendra le département de l'Aisne. Puységur s'est distingué lors du siège de Gibraltar, en pleine guerre d'indépendance américaine, et au cours duquel une alliance franco-espagnole tente de reprendre Gibraltar aux Britanniques. Puységur, lorsqu'il a 27 ans, entre dans le corps royal d'artillerie avec le grade de colonel. Alors il partage son temps entre son régiment, le château familial de Buzancy, près de Soissons, et puis Paris. C'est au tout début des années 1780 qu'il commence donc à participer aux fameuses séances de Mesmer. Et on peut dire qu'il est un des premiers à faire partie de la loge de l'harmonie qui va devenir la société de l'harmonie universelle. Et un soir de mai 1784... alors qu'il est cette fois sur ses terres de Buzancy, il se repose dans son château familial, le jeune officier trouve la fille de son régisseur complètement en pleurs. Elle souffre depuis plusieurs jours d'un atroce mal de dents Et le marquis de Puységur, j'allais dire tout naturellement, se met à passer à plusieurs reprises ses mains devant la patiente. Il faut vous dire qu'il a l'expérience de ces choses-là maintenant. Il a l'intention de la soulager. Il lui frotte légèrement les paupières et comme ça, en quelques minutes, à peine 10 minutes, la douleur disparaît. Et évidemment, le bouche à oreille fait son effet. Tout le monde est bientôt au courant de cette guérison miraculeuse. Certains villageois vont accourir pour être à leur tour soignés par Puységur, qui procède à quelques passes, à des attouchements, des frottements à la hauteur de la tête et du plexus solaire. Il s'aide parfois d'une baguette de verre ou de fer. Voilà ce qu'il écrira dans ses mémoires à propos de mai 1784. Ces faibles succès me firent essayer d'être utile à un paysan de 23 ans, alité depuis 4 jours par l'effet d'une fluxion de poitrine. J'allais donc le voir, c'était mardi passé, 4 de ce mois à 8 heures du soir, la fièvre venait de s'affaiblir, après l'avoir fait lever, je le magnétisais. Quelle fut ma surprise de voir au bout d'un demi quart d'heure cet homme s'endormir paisiblement dans mes bras, sans convulsion ni douleur. Je poussais la crise, ce qui lui occasionna des vertiges. Il parlait, s'occupait tout haut de ses affaires. Lorsque je jugeais ses idées devoir l'affecter d'une manière désagréable, je les arrêtais et cherchais à lui en inspirer de plus gais. Vous voyez qu'on va quand même assez loin là dans le traitement, si je puis dire. Des centaines de personnes vont venir consulter Puységur, parmi lesquelles une femme qui n'arrive pas à se remettre de couches difficiles, un étudiant qui souffre de surdité, une surdité croissante, etc. Ses deux frères sont également magnétiseurs, le comte Maxime de Puységur, qui est maître de camp en second du régiment du Languedoc, et qui guérit par les magnétismes, les entorses que ces hommes se font. Et puis l'autre, Antoine Hyacinthe Anne de Puységur, qui commande de son côté une frégate et qui va utiliser les mêmes moyens pour préserver son équipage des maladies lorsqu'ils sont en haute mer. Bientôt, le nôtre de Puységur va magnétiser un arbre, comme Mesmer l'avait fait avant lui, un grand et vieil orme qui se trouve au milieu de la place du village de Buzancy. Ce vieil orme devient, à partir de ce moment-là, un véritable centre d'attraction. Les malades, assis sur des bancs circulaires, touchent les cordes qui s'enroulent autour du vieux tronc noueux. Et ils se tiennent les pouces, ils font une chaîne. C'est une procession perpétuelle dans le pays, écrit Puységur. J'y passe 2 heures tous les matins, mon arbre est le meilleur baquet possible. Baquet, c'était donc le centre de magnétisme qu'utilisait Mesmer. Il n'y a pas une feuille qui ne communique de la santé, chacun y éprouve plus ou moins de bons effets. Le marquis de Puységur est absolument convaincu que ses expériences peuvent, et c'est lui qui le dit, peuvent servir à la médecine et au soulagement de l'humanité. Et pour cela, il a bien l'intention de continuer à travailler, à aller plus loin dans cette voie un peu étrange. Il veut découvrir d'autres phénomènes. De la suite en la mineur de Bach par David Moroney sur Europe 1. Restez bien avec nous, la suite de l'histoire du marquis de Puységur, l'élève de Mesmer, racontée par Franck Ferrand, c'est dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck, vous nous racontez la vie du marquis de Puységur. Après avoir guéri ses premiers patients, il commence à devenir un célèbre magnétiseur. Mais que devient le docteur Mesmer, dont Puységur a été l'un des plus fidèles adeptes? Alors lui ne fait pas l'unanimité, malgré son grand succès. En 1784, le roi en personne, Louis XVI, va nommer 2 commissions pour étudier la doctrine de Mesmer, l'une à l'Académie des sciences et l'autre à la Société royale de médecine. Et dans ces commissions, on voit siéger des personnalités éminentes. L'ambassadeur des États-Unis, Benjamin Franklin est là, on s'en douterait presque, le chimiste Lavoisier, le botaniste Jussieu, etc. Leur rapport condamne purement et simplement le mesmérisme. Rien ne prouve qu'il soit efficace et il se peut même qu'il soit dangereux, Voilà la, la conclusion des commissions. Et quelques mois plus tard, Mesmer va quitter la France. Il y reviendra encore un peu plus tard. Mais entre-temps, bon nombre de ses adeptes ont décidé de mettre en pratique ce qu'ils ont déjà appris chez lui et ce qu'ils ont vécu à ses côtés. Puységur, bien sûr, en fait partie. Et il est certain qu'il est le plus doué de tous les disciples. À la date du 18 avril 1785, Bachaumont écrit dans ses fameux mémoires « Le magnétisme animal qu'on croyait proscrit, anéanti par le ridicule, devient plus à la mode que jamais. Ses merveilles s'accroissent et se multiplient. Le docteur Mesmer se repose, dit-on, sur ses lauriers et jouit de l'argent immense qu'il a ramassé. Il ne fait plus que présider. On parle d'un marquis de Puységur qu'il convient être plus habile que lui. » Celui-ci endort les malades, il les jette dans un somnambulisme parfait, les fait obéir à la baguette et à ses gesticulations, en sorte que leurs volontés correspondent absolument aux siennes. Depuis les convulsions, on n'avait point vu d'extravagance pareille, c'est le même délire et un peu plus grand, puisqu'au moins les convulsionnaires attribuaient leur prétendu prodige à une force surnaturelle et que les mesméristes d'aujourd'hui se vantent de tout tirer de la nature. » Il faut dire que Puységur a du temps. Hein. À l'époque, on ne peut pas dire qu'un colonel, surtout là, en ce moment, il n'y a pas de guerre. Il n'est pas tenu d'être présent dans son régiment tout le temps. Il est là, il y est à peu près 4 mois par an. Il est persuadé, ce Puységur, de l'existence d'un fluide universel apparenté à l'électricité animale qui vivifie toute la nature, qui tend à se porter là où notre volonté la dirige. C'est très important parce que, évidemment, à cette époque-là, on est en pleine expansion de toutes les sciences et ce qui est en train de se manifester là est considéré comme un nouveau domaine du savoir. Il faut bien avoir ça à l'esprit. La maxime de Puységur, c'est « croyez et veuillez ». Puységur note que lorsque le patient est plongé dans un sommeil artificiel, ce qui lui laisse l'usage de la parole, la personnalité du somnambule change. Par exemple, lorsqu'un paysan fait preuve d'une lucidité étonnante, Puységur note qu'il devient un être que je ne sais nommer. Il note également l'insensibilité totale de certains patients qui se plient avec docilité à tous les ordres du magnétiseur, ce qui peut évidemment devenir un peu dangereux à terme. L'une des patientes en question va rester pendant 1 heure sans remuer le bras. Et quand on enfonce des épingles dans son bras, eh bien, elle ne sent rien et aucune goutte de sang n'apparaît. On verra plus tard, au XIXe siècle, toutes ces expériences-là développées, rationalisées, etc. On n'y est pas encore tout à fait. Puységur essaie aussi de comprendre quelles pourraient être les limites de sa méthode. Et de ce point de vue, il a une démarche qui est scientifique. Par exemple, ayant forcé par plaisanterie une jeune femme qu'il avait plongée dans le sommeil magnétique à lui donner un coup de chasse-mouche, elle avait une sorte d'éventail à la main, si vous voulez, il va lui demander s'il aurait eu sur elle le pouvoir de lui faire faire une action répréhensible, comme par exemple se déshabiller entièrement. Voilà la réponse de la patiente, si je puis dire. « Oh non pas, monsieur, il n'en serait pas de même. Ce que je viens de faire ne me paraissait pas bien, j'y ai résisté longtemps. Mais comme c'était un badinage, à la fin j'ai cédé puisque vous le vouliez absolument. » Mais jamais vous ne pourrez me forcer à quitter mes derniers habillements, mes souliers, mon bonnet, tant qu'il vous plaira. Mais passé cela, vous n'obtiendrez rien. Pour Puységur, les origines des maladies sont absolument essentielles. Par exemple, un fermier plongé dans un sommeil magnétique évoque un acte de donation caché qui était l'objet de ses problèmes. Il a fini par le dire. Et vous voyez que là, le travail de Puységur s'écarte assez notablement de ce que faisait Mesmer. Puységur déclare n'être qu'un vecteur pour les malades qui seraient leur propre médecin, si vous voulez, alors que Mesmer lui prétendait apporter de quoi soigner par une action exclusivement physiologique. Et la source de l'action en question, c'était le magnétiseur pour Mesmer. Les expériences de Puységur, comme celles de Mesmer, n'en suscitent pas moins un scepticisme croissant. Il a d'ailleurs fait déposer chez un notaire de Soissons les manuscrits sur lesquels figurent des écrits sur les cures. Il essaie de se protéger. À Paris, dans les salons de ses amis, certains parlent maintenant ouvertement de supercherie. Le marquis de Puységur écrit qu'il a, je cite, « le sentiment d'être un joueur de gobelet maladroit qui a manqué ses tours ». Et vous voyez que l'accueil est donc très mitigé. Malgré cela, il va retourner régulièrement à Paris et notamment il fait partie des habitués du salon de la Duchesse de Bourbon, qui est un salon très important avant la Révolution. Puységur est nommé colonel du régiment d'artillerie de Strasbourg. Vous voyez que ça ne le gêne pas dans sa carrière, néanmoins, cette affaire. Il part donc pour l'Alsace et à Strasbourg, il est bien accueilli, notamment au sein de la franc-maçonnerie. Le magnétisme est littéralement intégré à un certain nombre de rites maçonniques. Au sein de la Société harmonique des Amis réunis, on va voir Puységur former des magnétiseurs, créer un certain nombre de centres de traitement, etc. Et vous aurez bientôt des paysannes de la Forêt Noire, des canonniers alsaciens, des bombardiers qui viennent voir le marquis. Lui est un peu échaudé par les railleries dont il a pu faire les frais à Paris. Et on peut dire que les expériences qu'il accepte de mener encore, il ne les mène qu'en petit comité. Il n'a plus du tout l'intention de se donner en spectacle. Puységur va néanmoins continuer à pousser ses expériences et il constate que ces somnambules non seulement peuvent se révéler insensibles, non seulement vont ressortir des choses qu'ils n'auraient pas dites lorsque leur conscience est éveillée, mais ces somnambules pourraient même disposer d'un don de voyance. Cet après-midi, Franck Ferrand nous emmène au cœur de l'histoire du marquis de Puységur. Et vous le savez, au cœur de l'histoire, c'est votre émission. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et poser toutes vos questions à Franck Ferrand et à ses invités du jour, Viviane Perret et Antoine Leduc. Pour cela, c'est très simple. Rendez-vous sur la page Facebook au cœur de l'histoire ou bien sur Twitter avec le hashtag ACDH. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, plongé au cœur de l'histoire des débuts du magnétisme. Le marquis de Puységur est maintenant en Alsace et va plus loin dans ses expériences, Franck. Oui, il continue en tout cas. Il veut essayer de comprendre quelles sont les limites du phénomène. Et la voyance l'attire beaucoup, puisqu'il semblerait que lorsqu'ils sont en état d'hypnose, ses patients sont capables de voir des choses. N'est-ce pas ? Et c'est à Paris. C'est à Paris, chez la duchesse de Bourbon, toujours. On est là au début de l'année 1786, période très troublée. C'est intéressant de voir qu'on est dans un moment de, en quelque sorte, de bouillonnement. Eh bien, à Paris, une des somnambules de Puységur est mise en présence d'un jeune secrétaire de l'ambassade d'Espagne et on lui demande de voir l'avenir de ce jeune homme. Et voilà ce qu'elle déclare. « Vous pensez à une femme que je vois bien loin d'ici. Elle est dans une chambre peinte et ornée à jour. Elle porte un costume que je n'ai jamais vu à personne, oui. De larges pantalons, les jambes nues avec des mules brodées en or, une robe de gaze, un long voile sur un bonnet très haut en argent découpé, qui est fait comme la coiffe des femmes du pays de Caux. Tout cela est bien riche et cette femme est bien belle. » Et le secrétaire de l'ambassade d'Espagne, complètement stupéfait, est bien obligé de reconnaître qu'il s'était pris à Ceuta d'une jeune femme juive qui lui avait sauvé la vie et qu'il croyait avoir converti au christianisme d'ailleurs. La somnambule voit également que le secrétaire d'ambassade en question a écrit à la jeune femme. « Lisez cette lettre, je le veux !» interrompt le marquis de Puységur qui charge la somnambule de fluide. Faut imaginer l'ambiance de tout ça. La somnambule va poursuivre. Somnambule, c'est le nom qu'on donne. Hein. On pourrait plutôt dire la personne sous hypnose, oui, en l'occurrence. Vous comprenez bien. Elle poursuit son monologue et elle met fin aux illusions du jeune homme. Et là, cette femme n'a aucune intention de se laisser enlever par lui. C'est ce qu'il lui proposait dans la lettre en question. En fait, sous l'influence d'un autre homme, elle a plutôt l'intention de l'attirer à Ceuta et de le faire tomber dans un guet-apens. Ben voilà, une séance qui va se révéler utile. Une autre prophétie raconte qu'alors qu'elle est interrogée sur l'avenir de la France, une jeune paysanne de la Forêt Noire se cache la tête dans les mains et crie « Oh mon Dieu, que de sang, c'est affreux !» On est en 1786, c'est ce que j'ai besoin d'insister. Alors, lorsque la Révolution justement éclate, le marquis de Puységur est nommé commandant de l'école de l'affaire. Il est fait maréchal de camp. Il va démissionner comme beaucoup en 1792. Mais contrairement à ses deux frères, lui ne part pas en émigration. Il reste dans le royaume qui est en train de devenir une république. Il va donner asile à un certain nombre de royalistes persécutés là dans son château de Buzancy, ce qui lui vaut d'être incarcéré à plusieurs reprises sous la Terreur. Et après le 18 Brumaire, il est nommé maire de Soissons, fonction dont il sera démis au moment où Napoléon renomme tous les maires, vous savez, en 1805. Le marquis de Puységur, pour autant, n'a pas abandonné ses activités autour du magnétisme. Cette affaire le suit, va le poursuivre toute sa vie. Il écrit des ouvrages sur ses expériences, sur ses théories. Il réédite en 1809 ses « Mémoires pour servir à l'histoire et à l'établissement du magnétisme animal » dont je vous ai lu un petit extrait tout à l'heure. Et on raconte que Napoléon en personne, Napoléon qui était pour le moins sceptique à propos du magnétisme, aurait mis Puységur au défi d'obtenir, lors d'une séance, une audience publique, d'obtenir que sa somnambule prédise les progrès que les hommes auraient faits dans les 200 ans à venir. Le marquis ne va pas du tout relever le défi de l'empereur. En mai 1825, donc 15 ans plus tard, lors du sacre de Charles X, pour rappeler au nouveau souverain les titres que sa maison avait à la gratitude royale, Puységur va avoir l'idée, un peu fantasque, il faut bien le dire, d'aller camper à Reims sous une tente qui avait servi à son père à la veille de la bataille de Fontenoy. Fontenoy, c'était en 1745, donc 80 ans plus tôt. Et il va donc passer plusieurs nuits sous cette tente. Il attrape froid à Reims, vous imaginez, dans le froid de la Champagne. Sa santé se détériore et quelques mois plus tard, il va mourir à 74 ans. Une fin quand même originale pour un homme qui ne l'était pas moins. Bonjour Antoine Leduc. Bonjour Merci Franck. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez essayer de nous éclairer sur toutes ces pratiques un peu particulières, sur le vrai, sur le faux, sur ce que les expériences de Mesmer et de Puységur ont donné aussi par la suite. Bonjour Viviane Perret. Bonjour. On vous connaît comme notamment une spécialiste de tout ce qui est un petit peu aux marges de la normalité, de tout ce qui est paranormal, mais de tout ce qui relève aussi de l'illusionnisme. Je rappelle que votre détective vedette n'est autre que le très célèbre magicien Houdini. Bien entendu. Hein. Est-ce qu'on peut dire de Puységur qu'il était sincère dans sa démarche? Réglons d'abord cette question-là. Oui, c'est... un homme honnête, je n'ai vraiment aucun doute à ce sujet. Il nous a laissé des écrits dans lesquels il s'engage pour le bien-être de la communauté des souffrants dont il s'occupe. Et je n'ai absolument aucun doute, non seulement qu'il était honnête, mais qu'il correspond aussi parfaitement à son époque. Nous sommes à la fin des siècles des Lumières. Je voudrais faire un parallèle un petit peu osé. Vous avez parlé tout à l'heure de bouillonnement. Oui, c'est ça. Voilà, je voulais faire un parallèle un peu osé. Mais le 20e et le 21e siècle sont une période de bouleversement quant à notre vision de la physique. Eh bien, je dirais que les décennies de 1770 jusqu'à 1790 sont une période de bouleversement de la psyché humaine, de cette capacité qu'on a d'agir sur le conscient, l'inconscient et qui ensuite a donné la psychanalyse. Mais ça n'est pas possible de parler de Puységur sans parler de ses racines que sont le mesmérisme. Et Antoine Mesmer, comme vous l'avez dit, c'est un Allemand. Et aussi de clarifier ce drôle de vocabulaire qui est utilisé, puisque Mesmer a sa technique, parce que pour lui, c'est une technique. Mesmer, c'est physique. Pour lui, cette technique, c'est du magnétisme animal, mais par rapport au magnétisme minéral. Parce qu'au début, Antoine Mesmer soignait avec des aimants qu'il déposait sur la peau de ses patients. Et ensuite, il s'est aperçu qu'en faisant ce qu'on appelle des passes magnétiques aujourd'hui, ça marchait tout aussi bien. Et il a développé, effectivement, comme vous l'avez décrit, ces espèces de baquets où on pouvait soigner jusqu'à 20 personnes par baquet. Le baquet sert à quoi, Antoine Leduc? C'est une sorte d'accumulateur, en quelque sorte? Parce que le magnétisme peut passer simplement par le corps et par les mains, en l'occurrence. Pourquoi avoir besoin de ce baquet avec ses tiges, etc.? Le baquet est en quelque sorte un accumulateur et un amplificateur de fluide. Voilà, ouais. C'est ça, en fait. Et donc les gens qui sont autour et qui tiennent ces tiges sont traversés par le fluide et voilà pendant leur cure et espèrent la guérison. Mesmer a évolué avec le temps dans sa carrière. Est-ce qu'on l'a vu progressivement changer de méthode ou perfectionner ses méthodes? Pas particulièrement. Non, il est fidèle à son principe de départ. Et ce principe, alors ce qui est un peu étonnant, c'est de savoir d'où il le tire? D'où vient cette fascination de Mesmer pour le magnétisme? Alors, Mesmer est quelqu'un qui ne vient pas de la noblesse, mais qui a fait des études et c'est quelque chose qui est déjà connu, le magnétisme. Et c'est pour ça qu'il a très vite travaillé. Il a fait des études de droit, des études de médecine, des études de philosophie. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Il s'inspire de théories qui existent déjà. Lui, le stade supérieur auquel il est arrivé, c'est de se passer des aimants pour avoir ces passes magnétiques, mais on est dans une conception que le cosmos baigne dans un fluide et il ne fait que rétablir cette circulation d'énergie et c'est entièrement physique. Or, c'est très très important parce que toutes ces personnes dont on a parlé, puis Ségur, Mesmer, mais on devrait aussi parler de James Braid, qui est celui qui a donné le mot hypnose, et tous les grands mathématiciens qui viennent après, ce sont des contemporains. C'est-à-dire que vous avez Mesmer qui est 20 ans plus âgé, James Braid qui est 20 ans plus jeune que puis Ségur, mais ce sont des personnes qui soit se sont rencontrées, comme vous l'avez dit, Mesmer et puis Ségur, soit qui ont eu un intermédiaire qui était un disciple qui l'a connu ou qui a entendu parler de la théorie en temps réel. Donc on a vraiment cette ambiance, sauf que puis Ségur, il va lui arriver quelque chose auquel il n'était pas du tout préparé. Et ça, Antoine Leduc pourra le confirmer, ce n'est pas parce qu'on magnétise quelqu'un qu'on va le faire tomber dans cette transe hypnotique. Et dans le cas du fameux Victor, qui est le patient qui a défrayé la chronique depuis Ségur, ça n'est pas arrivé tout de suite. C'est parce que la cure magnétique commençait à fonctionner qu'en continuant, il l'a fait plonger dans une transe. Et là, ce qui est extraordinaire chez puis Ségur, c'est que là, on est le précurseur de toutes les théories de l'inconscient, mais qu'il va inventer une thérapie qui est l'écoute de son patient. Et donc là, ce qui n'est pas Mesmer. On n'est pas très loin de la psychologie moderne, mais on viendra à tous ces aspects tout à l'heure. Ce que je voudrais qu'on commence par faire, si vous le voulez, c'est définir le magnétisme, expliquer de quel phénomène il s'agit concrètement. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Attention, va descendre. Fais un son sans méfiance. Je suis là et confiance. La BO du livre de la jungle K, interprétée par Roger Carrel sur Europe 1. Et on s'intéresse jusqu'à 15h, vous l'avez compris, au magnétisme et à l'hypnose. Et pour en parler, donc, nous sommes en compagnie de l'historienne Viviane Perret, auteure de l'ouvrage « Esprit, es-tu là ? Histoire du surnaturel de l'Antiquité à nos jours » aux éditions La Librairie Vibert. Et nous sommes en compagnie également de l'illusionniste Antoine Leduc. Franck Alors Antoine Ferrand. Leduc, il faut peut-être que nous distinguions les choses. On va parler d'hypnose tout à l'heure. Commençons par ce qu'on appelle le magnétisme. Ce magnétisme est introduit en France par Mesmer. Il y a eu des expériences auparavant déjà. Il y avait des gens qui se prétendaient magnétiseurs avant Mesmer. Non, on peut dire que c'est lui qui lance cette discipline. De quoi s'agit-il concrètement ? Comment magnétise-t-on quelqu'un ? Qu'est-ce qu'un magnétiseur ? Alors, il y a plusieurs façons de le faire, mais le magnétiseur, c'est celui qui est capable d'utiliser, de canaliser, de diriger ce fluide qui se trouve donc partout, qui nous entoure, partout où qu'on soit, dans la nature, vers une cible précise, en général un malade. Et ce fluide en question a-t-il une dimension scientifique ? Est-ce qu'il est reconnu d'une certaine manière ? Non, ça a été un grand débat à la fin du XVIIIe et au début du XVIIIe siècle. Ce qui est très clair, c'est qu'à l'époque, en tout cas, et l'Académie et la Société royale se prononcent contre Mesmer en disant que tout ça n'est qu'imaginaire, ça ne s'appuie sur aucun élément physique et concret, en fait. Oui, hein, oui. Mais ils vont plus tard changer oui. d'avis. Début du XIXe siècle, c'est la Société royale de médecine qui enquête à nouveau sur le magnétisme, et après 5 ans d'enquête, déclare qu'il s'agit d'une branche curieuse de l'histoire naturelle et qu'on doit continuer à l'étudier de manière scientifique. Est-ce que l'hypnose est directement liée à ces pratiques et à cette découverte, si je puis dire ? Du côté de Puy Ségur, on peut dire que oui, puisque en fait il découvre un peu l'hypnose en magnétisant beaucoup certains de ses patients, et qui à force de recevoir une grosse dose de magnétisme, pour certains, tombe en sommeil hypnotique. Ce sont les fameux somnambules qui vont présenter des caractéristiques psychologiques particulières. Bon. Mesmer avait un très grand succès, disons-le. Hein. On peut dire que c'était la dernière occupation à la mode à la fin du règne de Louis XVI, le mesmérisme, Viviane Perret. Oui, d'autant plus qu'on est dans une situation où l'électricité, le magnétisme, ce sont des choses dont tout le monde parle. Alors quand je dis tout le monde, en fait, il faut... Une certaine société quand même, oui. Justement, ce qui est extraordinaire, parce qu'on a plutôt l'impression, on peut parler de guérisseurs, de rebooteux, de magnétiseurs, dont on a l'impression que c'est quelque chose de populaire. Or, à cette époque, on parle de la fin du XVIIIe siècle, c'est vraiment quelque chose qui appartient à l'aristocratie. C'est l'aristocratie qui s'y intéresse. Marie-Antoinette, elle a aussi été un sujet d'expérimentation pour Mesmer. Elle a participé à ces séances, sauf que Mesmer avait un côté aventurier, on va dire un peu gourou, un charisme, parfois un petit peu douteux. Il aimait les hautes relations, il aimait l'argent, il voulait réussir, ce Mesmer. Il voulait réussir. Son baquet était en quelque sorte pour lui un passeport. Oui, voilà, c'était un passeport pour rentrer dans une société à laquelle il n'aurait pas eu le droit. Tandis que Puységur, on est dans un tout autre cas de figure. C'est cette aristocratie qui est brusquement dégagée de sa fonction militaire parce qu'il n'y a pas de guerre, mais qui baigne dans la culture, il lisait Platon en latin, ses frères effectivement ont été disciples de Mesmer, c'est eux qui ont poussé Puységur à aller plus loin, donc toute cette, on baigne dans une culture, dans une recherche, dans une volonté de progrès, c'est vraiment le siècle des Lumières, l'ouverture à toutes ces possibilités et il est caractéristique de l'aristocratie et jusqu'aux trous révolutionnaires c'est vraiment eux qui mènent le jeu. Mais Puységur, lui, c'est thérapeutique. Et quand il va se retrouver face à ce qu'on appelle nous une transe, effectivement, il va toujours la considérer dans une optique thérapeutique. Mesmer n'endormait pas les patients. Il provoquait ce qu'il appelait lui des crises, que nous on appellerait ça maintenant des transes, mais il ne faut pas l'entendre comme une crise de folie ou une crise de nerfs. C'était vraiment des espèces de convulsions qui, pour lui, faisaient partie du rituel de guérison. Alors que Puységur endort les patients. Mais ça, il en est surpris. Et ça n'est pas systématique. Ça n'est pas parce qu'il magnétise quelqu'un qu'il va s'endormir. Et ça n'est pas non plus dès la première fois. Il y a toute une préparation à ce qu'il va appeler le somnambulisme. Le somnambulisme, en soi, il est connu. Et il lui donne le nom de somnambulisme magnétique, bien que ses patients ne se lèvent pas et ne marchent pas en dormant. Et qui est une partie de ce qu'on appellera plus tard l'hypnose. Il y avait des cas d'hypnose avant Puységur. Est-ce que ça existait, cette capacité à endormir les gens Alors, cette capacité à endormir, là, on fait en général référence à ce qui est l'hypnothérapie, c'est-à-dire la suggestion qui va vous endormir. Mais bien évidemment, le somnambulisme était connu, le magnétisme était connu. Tout ça, c'était des choses qui relevaient en règle générale du religieux, quand on regarde des textes anciens. Et justement, il y avait deux écueils, si je puis dire. D'un côté, on entre dans un mysticisme, et de l'autre, dans l'accusation de sorcellerie. Et je pense que pendant très longtemps, les expériences dont nous parlons et qui ont lieu dans le siècle pacifié de Louis XVI n'auraient pas été possible parce qu'on aurait fini sur le bûcher, tout simplement. Hein. Tout à fait. Et à l'époque de Puységur, une partie de l'Église prend position pour Puységur, parce qu'elle estime que Puységur met simplement en révélation, en éveil, des qualités latentes données par Dieu. Une autre partie de l'Église, elle, en revanche, estime que c'est la main de Satan. Mais il y a quand même toute une position qui est favorable à ce mouvement. Alors, Puységur meurt dans les circonstances un peu rocambolesques que j'ai racontées, là, en 1825. Il proteste, n'est-ce pas ? Il veut montrer à Charles X ce que sa famille a pu faire sous le règne de son grand-père. Et puis, il meurt d'un coup de froid, ça peut se comprendre. Il a 74 ans, le pauvre bonhomme, dans le printemps glacial de Reims. Et finalement, on pourrait penser que tout retombe et que tout disparaît avec lui. Eh bien, pas du tout, car il a des épigones, il a des élèves et des disciples lui-même, en fait, ce Puységur, Antoine Leduc. Hein. Oui, la croyance s'est répandue, les praticiens aussi se sont multipliés, et donc Puységur disparaît, mais la pratique continue. Oui. Il y a quelqu'un qui va être son héritier notamment, et que vous connaissez bien vous, c'est Alexis Didier. Oui, qui est alors le grand somnambule du 19e siècle, de la première moitié du 19e siècle. Quand vous dites somnambule, il s'auto... Il était accompagné aussi d'un magnétiseur, donc qui lui induisait somnambulisme. Le magnétiseur l'hypnotise en quelque sorte? Non. Il l'endormait, oui. Soit il le magnétisait, soit il l'endormait. Alexis Didier avait ce qu'il appelait la lucidité magnétique, c'est-à-dire que la transe parfois était tellement profonde qu'il avait les yeux ouverts et qu'on avait l'impression qu'il était complètement éveillé, alors qu'en fait il était en transe. Sauf que lui, il en fait quasiment un spectacle. Il en fait même un spectacle. Oui, il en fait un métier qui, à certaines occasions, prend vraiment l'apparence d'un spectacle. On va y venir dans un instant. Et puis, je voudrais aussi qu'on insiste sur cette dimension psychologique des choses. On pourrait dire d'une certaine manière qu'on n'est plus très loin avec Puységur et avec ceux qui s'inspirent de lui. On n'est plus très loin de la psychanalyse, d'une certaine manière. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est d'hypnose et de magnétisme dont nous parlons cet après-midi. Et pour évoquer ces faits surnaturels, deux spécialistes avec nous sur Europe 1, l'illusionniste Antoine Leduc et l'historienne Viviane Perret, auteur d'une série de romans Houdini, magicien et détective, dont le tome 4 sorti il y a deux jours, La Maison Mystère, aux éditions du Masque. Alors, à partir de quand est-ce qu'on parle vraiment d'hypnose, Viviane Perret? Qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Alors, dans le somnambulisme magnétique, c'est une partie de tous les phénomènes du somnambulisme magnétique qui correspond vraiment à cette époque. L'hypnose en elle-même, le mot a été formé en 1760 par un Écossais qui s'appelle James Wright, qui lui-même était a priori contre le magnétisme animal de Mesmer, mais il a rencontré un disciple. Donc on est toujours, là c'est plus tard, en sachant 1784, c'est Victor, puis Ségur Landor, et il découvre le somnambulisme magnétique. Et là, on est en 1760. Donc, c'est toujours pareil. C'est vraiment une période contemporaine. Donc, il va rencontrer un disciple de Mesmer. Il va trouver que finalement, c'est très intéressant. Et il va inventer une technique pour que le patient s'hypnose, c'est pas encore de l'hypnose, mais facilite l'hypnose. Entre dans un état de conscience de modifier. Avec fixation sur un point. Donc là, on est en 1760 et c'est lui qui va appeler ça la neurohypnose, hypnose par rapport au mot hypnose, sommeil en grec, et qui va devenir l'hypnose. Mais ces pratiques, dont on comprend bien qu'elles sont voisines en quelque sorte, ces pratiques vont déboucher sur plusieurs domaines et vont prendre plusieurs voies. Une voie, nous l'avons vu, mondaine et sociale, une voie humanitaire, si je puis dire, pour aider à la guérison, etc. Une voie quasiment de recherche scientifique, avec certains qui veulent absolument trouver le fond de cette histoire. Et puis une voie spectaculaire aussi, puisqu'il s'agit d'organiser des spectacles. L'hypnose est devenue aujourd'hui à la fois thérapeutique et spectaculaire. On peut dire ça, Antoine Leduc. Hein. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un mouvement qui prend ses racines à l'époque de... après Puységur, quoi, dans la première moitié du 19e siècle. Et pour revenir sur cette figure d'Alexis Didier, lui, il est particulier parce qu'il concentre Alexis Didier, ce qui est amusant, c'est qu'il naît un an après la mort de Puységur, en fait. Hein. Absolument. Donc il naît à la toute fin de la Restauration et il va mourir à la fin du 19e siècle. Donc sa vie couvre l'essentiel du 19e siècle, de 1826 à 1886. Et c'est un siècle où ces questions sont particulièrement vives et actives, avec un grand intérêt pour le spiritisme, notamment. Oui, alors le spiritisme diffère un peu des pratiques d'Alexis Didier. Et d'ailleurs, il va se mettre très en retrait à partir du moment où le spiritisme fait son apparition, c'est-à-dire dans les années entre 1854 et 1857. Sous le Second Empire. Sous le Second Empire, tout à fait. Oui. Et là, lui, il commence à se mettre en retrait, vous dites. Oui, parce que, et c'est ce qui est surprenant chez Alexis Didier, c'est pour ça que ça reste quelque part un point d'interrogation, le spiritisme ne correspond pas au somnambulisme tel que l'entend Alexis Didier. Et on pourrait imaginer, si on pense que c'était un escroc, qu'il se soit tout simplement transformé et puis qu'il soit passé de somnambule à médium et qu'il se soit ensuite produit dans les soirées spirites. Et en fait, pas du tout. Il reste fidèle à ses convictions. Et quand ça n'est pas un opportuniste. Ça n'est pas un opportuniste, absolument pas. Quand le spiritisme prend le pas sur le somnambulisme, Alexis Didier se met en retrait. il est plus dans la vie publique. Il continue à donner quelques consultations privées et il se concentre sur une branche bien précise qui est la branche médicale. Il continue à donner des consultations médicales. Il s'associe avec un médecin. Puisque lui n'étant pas médecin, il ne pouvait pas pratiquer de manière très officielle. Mais malgré tout, il est associé avec ce médecin. Alexis Didier établit le diagnostic et puis le médecin rédige les ordonnances en bonne et due forme. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer de grands médecins qui s'intéressent à des phénomènes comme ça, un peu inexplorés, un peu complexes. Et généralement, ça donne des choses extraordinaires. Et c'est très passionnant. Il n'y a rien de plus passionnant dans la vie, même à vrai dire. Vous avez été, vous, jusqu'à reconstituer des séances d'Alexis Didier. C'est ce qu'il faut raconter à nos auditeurs. Oui, alors ça a eu lieu l'été dernier dans le cadre d'une reconstitution historique de la période du Second Empire, au château de Lassé, qui est un château de l'époque de Charles VII, qui est merveilleusement conservé en Mayenne. Pour cette représentation, on avait reconstitué deux séances d'Alexis Didier et certains des phénomènes qu'il pratiquait dans ces séances, qui pour certains aujourd'hui sont devenus des classiques des spectacles de mentalisme, oui. Notamment ces phénomènes de clairvoyance, donc qui chez Alexis Didier se manifestent de deux façons différentes. Soit il va projeter sa vue dans un endroit auquel elle n'a pas accès, c'est-à-dire dans une boîte fermée, il va deviner ce qu'il y a dedans, ou alors à des dizaines, voire des centaines de kilomètres de l'endroit où il se trouve, et ce qui le rend capable de décrire très précisément l'intérieur d'une maison d'un des participants de la séance. Mais à partir du moment où vous reconstituez cela, c'est avec les trucs du prestidigitateur, si je puis dire. C'est-à-dire que là, on est dans le truc. On est d'accord? Enfin, c'est ce que j'essaie de comprendre. Oui, bon, ça reste du théâtre. Alors, il faut noter aussi que Alexis Didier, comme beaucoup de somnambules ou de spirites plus tard, a eu des liens avec le milieu du théâtre. Il était acteur lui-même, ce qui probablement a donné... Il y avait une part de mise en scène. Il y avait probablement une part très importante de mise en scène dans ces séances. Voilà, on n'a jamais prouvé qu'il était un tricheur, mais malgré tout, il y a ces liens avec le milieu du spectacle. C'est assez fascinant parce que cette émission, vous l'aurez remarqué, c'est une émission qui flotte comme ça, un peu en apesanteur, à la recherche de frontières, de limites et de définitions. C'est très complexe. On a l'impression que ces frontières, elles sont floues constamment, elles évoluent en fonction des personnes et des circonstances. Le même personnage peut être à la fois sincère et en même temps utiliser des trucs de magicien. Il peut vouloir faire du spectacle et consacrer une partie de son âge mûr à soigner des gens. C'est intéressant. Il n'y a pas de. On est constamment dans la demi-teinte et dans le double fond, si je puis dire. Complètement. Il y a une très grande porosité, si je puis dire, entre les deux, entre les somnambules et le milieu de l'illusionnisme. Et il y a aussi une concomitance qui est intéressante. Alexis Didier commence sa carrière en 1842, donc il produit dès le départ ses phénomènes de clairvoyance. Trois ans plus tard, Robert Houdin présente sa première expérience de double vue à la famille royale, et puis il la met ensuite au programme de ses soirées fantastiques au Palais Royal. Et donc, le public aussi est dans cette ambiguïté, puisque le public ne sait pas s'il y croit ou si simplement il s'amuse, un peu des deux sans doute, ça dépend des spectateurs et encore une fois des moments. Là où la porosité est encore plus étonnante, c'est avec le monde de la psychologie qui va bientôt se constituer, Viviane Perret. On peut dire qu'un certain nombre des pratiques de ces personnes, de ces somnambulistes, sont des pratiques qui annoncent, qui amorcent la psychanalyse d'une certaine Même manière. Plus, qui amorcent. En fait, ce qui fait la différence, c'est par rapport au fait qui sont donc décrits dans les séances, c'est la cause. Mesmer, c'est un fluide. Mais pour Puységur, c'est ce qu'il appelle le sens interne, la volonté libre du patient. C'est-à-dire que le patient est son propre médecin. C'est l'écoute qui va permettre de guérir. Et ensuite, quand on passera au médium, ce sont des entités extérieures. Donc en fait, c'est la cause qui provoque cet effet qui va véritablement séparer les branches. Et Puységur est véritablement l'annonce de toute la recherche sur l'inconscient. Merci beaucoup Viviane Perret. Vous êtes, je le rappelle, l'auteur de « Esprit, es-tu là ? Histoire du surnaturel de l'Antiquité à nos jours » à la librairie Vuibert. Et puis, votre dernier livre, « Houdini, magicien et détective », c'est la collection, si je puis dire. Le tome 4, « La maison mystère » est paru aux éditions du Masque en février de l'année dernière. Antoine Leduc, un mot peut-être de ce cabinet de curiosité en Belgique, le Surnatéum, il faut dire un mot de ça ? Oui, le Surnatéum, c'est un endroit vraiment extraordinaire. C'est le musée d'histoire surnaturelle. C'est la à ma connaissance, la plus grande collection d'objets magiques au monde, qui est présentée sous la forme d'un cabinet de curiosité à Bruxelles, dans un endroit qui est tenu secret, mais qui se visite. On peut prendre contact via un site internet et on peut le visiter réellement. Encore du mystère, encore de l'ambiguïté. Merci beaucoup Antoine Leduc. Nous restons dans le mystère et dans l'ambiguïté à l'instant, puisque Lorena Martin va nous parler d'un concert sous hypnose. À présent donc effectivement de retrouver Lorena Martin qui va nous parler d'une activité sous hypnose. Ne me dites pas que vous vous êtes fait hypnotiser Lorena. Non, pas encore, ça va arriver alors ce soir, c'est ça, non ? Bientôt. Oui, un concert sous hypnose, Franck, de Geoffroy Secco. C'est sous-titré un voyage initiatique, c'est un voyage initiatique musical à travers l'hypnose. Il s'agit d'un spectacle assez innovant que Geoffroy Secco a créé en 2015. Mmh. Il a choisi de mêler ses deux passions, musique et développement personnel. Et le public apprend au fil du concert à mieux se connaître, à se reconnecter à ses rêves d'enfant. La musique vous emmène dans votre intériorité, en quelque sorte. Oui, exactement, puisque en fait, si vous voulez, la musique vous aide avec l'hypnose et l'hypnose aide la musique. Donc c'est vraiment l'un sans l'autre, les deux sont complémentaires. Et on retrouve un petit peu aussi quel est son animal totem bien connu des pratiques chamaniques amérindiennes et c'est pas là étonnant. Là vous intéressez Viviane Perret, regardez. Car c'est justement après avoir voyagé au Pérou et vécu des expériences de chamanisme amazonien que Geoffroy Secco a eu l'idée de mettre son public sous hypnose en concert. Il est passionné donc de développement personnel mais surtout saxophoniste de jazz et il a fait des études. C'est un grand saxophoniste. Oui, très grand saxophoniste de jazz qui a accompagné de nombreux artistes comme Aznavour, Yannick Noah, Pascal Obispo et Patricia Cass. Et c'est d'ailleurs en 2008, pour réussir l'audition des concerts de Patricia Cass, qu'il apprend la clarinette en 2 semaines grâce à l'auto-hypnose. Et donc, il va accompagner la chanteuse pendant toute sa tournée dans le monde entier. Et donc, ensuite, il s'est formé aux médecines traditionnelles chinoises et quantiques. Et il pratique aussi le yoga et la méditation. Et il nous présente là donc un spectacle assez étonnant où l'on doit bien sûr fermer ses yeux, se laisser porter par les sons. Et par les harmonies, sans doute. Harmonies qui ne sont pas là par hasard, bien sûr. Exactement. Et donc, il est sur scène avec un batteur, un pianiste. On écoute les musiques de son album qui s'appelle Element of Sun, qui est inspiré par un road trip en Australie. Et ce sont des compositions de jazz avec des influences africaines, de pop. Et une fois le premier morceau terminé, s'ajoute l'hypnose. Au départ, il était accompagné d'ailleurs par un hypnothérapeute. Mais depuis, il s'est formé et c'est lui-même. Voilà, et il y a des paroles. Il parle, bien sûr. Il accompagne le public. Il apprend le public à lâcher prise. Toute une initiation, d'une certaine manière. Oui, c'est quand est-ce qu'on peut... Alors, les prochaines dates, ce sont donc le 13 mars à l'Apollo Théâtre. Et puis ensuite, il a toute une tournée, notamment à Saint-Cana, Festival Jazz Off de Nice et le Festival aussi Avignon Off Rouge-Gorge. Donc, ce sera en avril, en juillet, en septembre. Toutes les dates sont à retrouver sur son site internet Geoffroy Secco, S-E-2-C-O. Et puis à Paris, les 11, 25 avril, 9 et 23 mai, si je ne m'abuse. Merci beaucoup, Lorena Martin. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Alors nous l'avons hypnotisé, nous l'avons mis en condition. Voici Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Franck, ça c'est le récit, ça m'hypnotise toujours. Ah, c'est récit, ça, oui. Donc... En fait, vous vous endormez avec, disons les choses. C'est vrai. Vous nous parlez de Frankenstein. C'est un peu dans le même ordre d'idée d'ailleurs aujourd'hui. Du coup, je vous ai sorti un petit son de circonstance. Ah oui. C'est le film de James Wan, Frankenstein, adapté bien entendu du roman de Mary Shelley, Frankenstein, et le sous-titre qu'on oublie toujours, Frankenstein ou le Prométhée moderne, c'est important. Eh bien ce roman fête ses 200 ans cette année, on va beaucoup en entendre parler, donc je conseille la lecture ou la relecture de ce chef-d'œuvre. L'histoire donc du scientifique Victor Frankenstein qui donne vie à un être fait de chair mortes assemblées. Il est terrifiant ce monstre et pourtant il n'en veut à personne, il est doué d'intelligence, il ne demande qu'à apprendre, mais il est rejeté par la société et par son créateur même, Frankenstein, le docteur. Au passage, vous avez remarqué, c'est intéressant, dans le roman, le monstre n'a pas de nom, il s'appelle le monstre ou le démon, mais on a fini par l'appeler Frankenstein, comme son créateur. C'est bien plus qu'un roman fantastique, ce Frankenstein. C'est un roman d'amour aussi. Un roman social sur la différence et les préjugés. Et un roman qui donne à réfléchir sur l'homme, notamment, et sa fâcheuse tendance à se prendre pour Dieu. Il est étonnamment moderne aussi, malgré ses 200 ans. 202 ans, d'ailleurs, parce qu'il a été publié en 18, mais écrit en 1816. Selon la légende, c'est votre histoire préférée, Franck. Voilà. Au bord du lac Léman, chez Lord Byron, qui et puis il pleut, on s'ennuie. Donc Lord Byron dit à ses amis, écoutez, on va chacun écrire une histoire de fantôme. Il y a notamment Polidori qui est là et qui va écrire Vampire, qui est la première histoire de vampire. Ça n'a l'air de rien, mais c'est énorme. Et Mary Shelley, donc, qui imagine son Frankenstein cette nuit-là, selon la légende. Et en fait, c'est aussi un roman de science-fiction, parce que Mary Shelley est très documentée, très curieuse, et elle s'intéresse aux expériences scientifiques de son époque, dont celle de Luigi Galvani, qui avait observé qu'en faisant passer un courant électrique dans la cuisse d'une grenouille, celle-ci se contractait. Eh ben, elle reprend l'idée pour donner vie à son monstre. Et l'expérience de Galvani, ça a donné Galvanisé. Je vous le dis au passage pour briller dans les dîners. Tout ça est quand même très proche de ce dont nous parlions aujourd'hui. Il y a un mouvement extraordinaire entre la fin du 18e et la fin du 19e à ce propos. Et si vous voulez fêter donc ces 200 ans du monstre, eh bien, je vous propose d'acheter la Pléiade, puisque Frankenstein est entré à la Pléiade il y a 3 ans. Beau cadeau avec une nouvelle traduction d'Alain Morvan et Marc Poré. Et alors, le meilleur film de Frankenstein. Moi, il y en a deux. Mais c'est personnel, il y en a plus de 60 des adaptations. Mais il y a celui de James Whale, 1931, c'est le plus connu, c'est It's Alive. Celui qui respecte bien l'atmosphère du roman aussi, c'est celui de Kenneth Branagh, qui date de 1994. Pour moi, c'est un peu l'équivalent du Dracula de Coppola. Voilà. Merci beaucoup.